France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Troisième épisode de notre série de cette semaine sur le tragique. Après avoir voyagé dans les mondes de Racine et de Shakespeare, essayons de comprendre ce matin ce qu'est ou ce que serait une philosophie tragique. En 1960, un jeune homme de 20 ans écrivait un livre d'à peine plus de 150 pages, au vocabulaire simple et net, qui s'insurgeait contre ce qu'il appelait l'instinct anti-tragique. L'auteur parlait même d'une idole anti-tragique qui nous empêche, disait-il, souvent, de regarder le réel tel qu'il est, c'est-à-dire volontiers brutal et absurde. Nous préférons nos morales qui expliquent tout, trouvent des fautifs et instillent en nous sans cesse ce que Nietzsche appelait le bacille de la vengeance. Ce livre paru à l'automne 1960 s'intitulait « La philosophie tragique » et son auteur était Clément Rosset. Celui-ci évoquait d'emblée ses dettes, Nietzsche et Schopenhauer. Rosset voulait, avec eux deux, dire et redire la morsure du réel, l'échec à tout diagnostiquer et à tout évaluer, un échec de pensée, précisait-il, aussi indélébile que la trace de sang sur la clé de Barbe Bleue, véritable trace de mort imprimée dans notre âme, je le cite. Mais à part la détestation des anti-tragiques, que signifie exactement une philosophie tragique? Pour répondre à cette question, il est naturel d'inviter un spécialiste de Nietzsche, un autre de Schopenhauer et un troisième de Clément Rosset. Bonjour Santiago Espinoza. Bonjour Géraldine. Vous avez bien connu Clément Rosset et votre pensée à vous travaille aussi la notion de tragique. Bonjour Christophe Salin. Bonjour. Vous avez traduit beaucoup de textes de Schopenhauer et écrit sur lui. Et bonjour Stéphane Flocari. Bonjour. Vous avez écrit sur Nietzsche et sur bien d'autres choses encore. Vous venez de soutenir une thèse de doctorat intitulée « Nietzsche et le problème de l'existence ». France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Eh bien, partons de Nietzsche lui-même, puisque Nietzsche disait, je cite, qu'il était en droit de se considérer comme le premier philosophe tragique. Voici un extrait d'Ecce Homo, livre écrit par Nietzsche en 1888 et paru après sa mort. Jusqu'à quel point j'avais par là même trouvé le concept de tragique et ce qu'est la psychologie de la tragédie. Je l'ai redit plus tard dans « Crépuscule des idoles ». J'y écrivais ceci. L'acquiescement à la vie jusque dans ses problèmes les plus éloignés et les plus ardus, le vouloir vivre devenant joyeux dans le sacrifice de ses types les plus accomplis à son propre caractère inépuisable. C'est tout cela que j'ai appelé dionysiaque. C'est là que j'ai pressenti un pont vers la psychologie du poète tragique. Ce n'est pas pour se libérer de la terreur et de la pitié, ce n'est pas pour se purifier d'une émotion dangereuse en la faisant se décharger violemment, ainsi qu'Aristote l'entendait, mais pour, par de la terreur et pitié, être soi-même la volupté éternelle du devenir. Cette volupté qui inclut généralement la volupté d'anéantir. Fin de citation. En ce sens, je suis en droit de me considérer comme le premier philosophe tragique, c'est-à-dire l'extrême opposé et l'antipode exact d'un philosophe pessimiste. Avant moi, on ne connaît pas cette transposition du dionysisme en pathos philosophique. La sagesse tragique fait défaut. J'en ai moi-même cherché en vain des traces chez les grands grecs de la philosophie, ceux des deux siècles avant Socrate. Il m'en restait un doute au sujet d'Héraclite, dont la fréquentation me met plus à l'aise et me réconforte plus qu'aucune autre. L'acquiescement à ce qui périt et anéantit, ce qui est décisif dans une philosophie dionysienne. Dire oui à la contradiction et à la guerre. Ce texte de Nietzsche, qui est un extrait de Ecce Homo, était lu par Riad Kera, de notre équipe d'Avec Philosophie et réalisateur de cette émission. Stéphane Flocari, a-t-il raison, Nietzsche, de dire qu'il est le premier philosophe tragique? Et, s'il vous plaît, vous qui le connaissez bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que je peux vous dire d'emblée, c'est que vous avez eu raison de choisir ce texte, parce que c'est vraiment le texte qui résume très bien ce que Nietzsche entend par le tragique. Nietzsche prétend pas s'intéresser au tragique, il prétend carrément l'inventer. Il le découvre pas, pour lui il est pas déjà là, c'est lui qui l'invente à travers une lecture. En fait, la tragédie, pour Nietzsche, ça n'est pas, contrairement à ce que pensait Aristote, simplement un dispositif théâtral qui permet une purification des affects. C'est le moyen qu'ont inventé les Grecs de jeter leur regard dans le fond de l'existence et d'en contempler ce qu'il appelle, dans La naissance de la tragédie, les atrocités et les horreurs. Donc les Grecs l'ont quand même inventé. Ils l'ont inventé, mais si vous voulez, un peu comme ils ont inventé le mythe d'Oedipe et comment Freud a inventé à partir d'un complexe. De la même façon, ce qui caractérise un génie philosophique ou psychanalytique comme Nietzsche ou Freud, c'est que ce sont des êtres qui sont capables de s'emparer de quelque chose qui existe et d'y trouver un sens nouveau. Le contraire de tragique, c'est pas comique, c'est optimiste ou théorique. Et même pessimiste, il dit que être tragique, ce n'est pas non plus, dans le texte que nous venons d'entendre, ce n'est pas non plus être pessimiste. Au passage, c'est peut-être un des points les plus difficiles. L'un des points les plus difficiles. Vous m'avez fait le plaisir de parler de ma thèse de doctorat. J'y ai consacré une grande partie à la distinction des deux pessimismes. Et il y a un pessimisme de la force chez Nietzsche. L'essai de 1886, l'essai d'autocritique de La naissance de la tragédie, où Nietzsche essaye de s'expliquer avec ce qu'il a essayé de faire avec le tragique, est un essai dans lequel il explique qu'il y a un pessimisme pathétique, il y a un pessimisme pathologique, et il y a un pessimisme, au contraire, qui est un pessimisme de la force et de la surabondance. Et ça, c'est le tragique. Ça, c'est le tragique tel que Nietzsche l'entend, c'est-à-dire l'affrontement lucide et affirmatif de ce qui, dans l'existence, est le plus terrible. Alors, tragique pour Nietzsche, ça désigne trois choses. La naissance de la tragédie, c'est trois choses. C'est d'abord une tentative extraordinaire, post-luthérienne, de justification non chrétienne de l'existence. Donc d'abord, il y a une grande rectification, il y a une grande justification. Il va falloir justifier cette existence dans son caractère terrible. Deuxièmement, il y a l'opposition entre Apollon et Dionysos, qui en réalité en recouvre une seconde, qui est l'opposition entre Dionysos et Socrate. Car le vrai ennemi de Nietzsche dans l'essence de la tragédie, c'est d'une part Socrate, et d'autre part son agent tragique, Euripide. Et troisièmement, le plus important, le maître mot de toute la pensée de Nietzsche, plus que tragique, plus que tout ce qu'on veut, c'est dionysiaque. Parce qu'au fond, il a pris cette figure divine, cette figure mythique, pas un concept, une figure mythique, et il l'a rempli, il l'a garni de sa propre recherche conceptuelle. Et mon travail de recherche universitaire a consisté à faire de Nietzsche avant l'existentialisme, avant la phénoménologie, et après Schopenhauer, parce que Nietzsche est incompréhensible sans Schopenhauer. Je crois que dans cette émission, vous avez raison de commencer par la fin, parce qu'avec Nietzsche, il faut toujours lire en écrevisse, on marche à l'envers. Nietzsche, c'est quelqu'un qui est avant tout un philosophe de l'existence. Et c'est quelqu'un qui est le grand opérateur philosophique à travers Schopenhauer, de la compréhension de ce que les Allemands appellent, par un mot tout simple, qui veut dire existence, qu'ils appellent Dasein. Donc le tragique chez Nietzsche, c'est l'immense effort qui consiste à affirmer l'existence dans la totalité de ses aspects, sans rien en rejeter. Et pour lui, l'œuvre d'art totale, l'œuvre d'art maximale, l'œuvre d'art par excellence, c'est la tragédie attique des Grecs. Ah, donc ils l'ont quand même mis en scène, ce tragique. On va y revenir un peu après, parce que vous avez évoqué Schopenhauer, je voudrais qu'on développe tout de suite, mais ça pose quand même une question. Si Socrate est sa vraie cible, et derrière lui Euripide, je signale d'ailleurs à nos auditeurs que nous terminerons cette série sur le tragique par un retour au grec, nous retournerons à l'origine. Est-ce que ça veut dire qu'au fond, les Grecs ont mal inventé le tragique, et en particulier Euripide? On va y revenir. Maintenant, Schopenhauer. Schopenhauer, Christophe Salin, était obsédé, si vous me permettez cette expression, par la question de la volonté. Mais la volonté était-elle notre fardeau ou était-elle notre chance? Oui. Alors je ne sais pas s'il était obsédé par la question de la volonté. Je crois que la volonté, en tout cas le concept qu'il en forge, qui est paradoxalement quelque chose qui ne veut rien, quelque chose qui, contrairement à l'usage habituel de la volonté, qui est la délibération liée à la connaissance, là on est devant quelque chose d'aveugle, et puis c'est quelque chose de métaphysique, donc qui déjà, par nature, échapperait à notre regard. Si ce n'est qu'on peut y accéder à travers les désirs que nous éprouvons, à travers le cœur, pour dire simplement, pour parler peut-être en langage plus simple. J'aurais dit le vouloir vivre. Nous étions évidemment dans cette idée-là. Je peux dire, l'homme est dans le cœur, il n'est pas dans la tête. Et quand il dit ça, il renvoie au fond à toutes les affections, toute l'affectivité dont on est capable et qui traduirait ce que nous sommes pleinement. Est-ce que nous sommes pleinement, c'est-à-dire si nous le rattachons à, si nous sommes la manifestation de quelque chose de métaphysique qui donnerait sens finalement à notre existence, enfin qui lui donnerait sens, qui montrerait surtout que notre existence n'a pas de sens parce qu'elle n'est que l'expression de quelque chose qui veut sans rien vouloir en particulier. Donc nous voulons sans cesse. Oui, nous voulons, mais... nous sommes des êtres voulants qui... pour revenir peut-être justement à une certaine idée de la tragédie. Alors, oui, c'est à ça que Schopenhauer penserait à la tragédie dans le sens des tragédies grecques, au sens où, comme on l'a dit, on a commencé par la fin, mais les tragédies grecques commencent toujours par la fin. On connaît la fin avant d'y arriver. Et d'une certaine manière, ce qu'on a avec Schopenhauer, c'est d'abord une expérience de l'existence qui... Je dirais qu'on a évoqué un pessimisme pathologique, théorique, etc. Et je pense qu'il y a d'abord, Schopenhauer, une expérience pessimiste de l'existence qui tient effectivement aux conditions de son existence. Une incapacité peut-être à trouver dans l'existence une satisfaction véritable. L'expérience intellectuelle qu'il a pu avoir dans l'élaboration de ses œuvres a quand même donné lieu à, comment dire, à une très longue attente. Puisqu'il attend quand même la fin de sa vie pour commencer à avoir des lecteurs. Hein. Autant Nietzsche s'est félicité de ne pas avoir de lecteurs parce que les lecteurs n'étaient pas encore prêts pour lui, autant Schopenhauer, effectivement, a beaucoup souffert de ne pas être lu. Donc il y a une dimension humaine, je pense qu'on peut partir de là. On ne pourra pas réduire Schopenhauer à ça, mais il y a une dimension humaine. Et puis il y a, effectivement, cette tentative de donner sens à ce non-sens de l'existence. Et au lieu de s'en remettre à Dieu, qui ordonne tout et qui finalement nous donnerait une justification ultime, Schopenhauer n'a pas trouvé mieux que de dire que ce qui peut justifier notre existence, c'est qu'il n'y a pas de raison à celle-ci. Donc il faut arrêter de vouloir ? On ne peut pas comme ça, on peut essayer, on peut s'efforcer, ce serait... Une fois qu'on a compris tout ça, alors on pourrait peut-être dompter ses instincts, ses désirs, etc. Alors là, on sera très loin de Rousseau, on sera très loin de Nietzsche, puisqu'au contraire, pour eux, il s'agirait de les éprouver, de vouloir correctement. Voilà. Alors voilà, Schopenhauer veut mal, ou alors il préfère s'échapper de la volonté, ouais. Notamment par l'art. Des choses comme... Là, il est apollinien plutôt. C'est toute la dernière phrase de son livre, vouloir autrement, c'est-à-dire ne pas vouloir, vouloir ne pas vouloir. Santiago. Espinoza, merci. Justement, j'allais vous demander. Rosset a lu les deux. Il était un très grand connaisseur de Schopenhauer et de Nietzsche. Le plus tragique, c'est Nietzsche. On est d'accord pour lui. Bien sûr. Donc, ça veut dire que Schopenhauer est en quelque sorte insuffisant pour Rosset. Je pense que le premier philosophe que Rosset a lu est Pascal, parce qu'il se trouvait dans la bibliothèque familiale. Il a fait connaissance avec Nietzsche, de la naissance de la tragédie, lorsqu'il était en terminale. Et ce livre que vous évoquez, La philosophie tragique, il le rédigeait en tant qu'élève de terminale pendant que le professeur parlait, qu'il n'écoutait pas. Car le professeur, disait-il, était un platonicien aguerri et ça lui sortait des boutons. Et il a été un grand lecteur de Schopenhauer, mais il n'a jamais, m'a-t-il dit, adhérer à son pessimisme, c'est-à-dire que ce pourquoi Schopenhauer est connu des professeurs et même de tout le monde, c'est-à-dire son pessimisme, c'est la seule chose qui ne l'a jamais intéressé. En d'autres termes, ce qui intéressait Rosset, c'était cette intuition schopenhauerienne, qu'on va retrouver chez Freud et évidemment chez Nietzsche, que le vouloir, c'est-à-dire le désir au fond, est beaucoup plus fort que la raison est toujours soumise au désir. La grande différence, je dirais, entre Schopenhauer et, disons, la philosophie tragique, ce pourquoi Schopenhauer ne pourrait pas être considéré, d'après Nietzsche ou Rosset, comme un philosophe tragique, c'est au fond sa conception du désir. À savoir cette idée que le désir suppose un manque pour l'être humain. évidemment, c'est une grande tradition hein, qui vient de Platon et peut-être même au-delà. Pour Nietzsche et notamment pour Rosset, le désir, comme pour Spinoza, n'est pas du tout la marque d'un manque, d'une privation, mais au contraire, c'est la marque la plus directe de la joie. C'est-à-dire qu'on est joyeux parce que nous désirons. Et c'est cela qui a fait que Nietzsche a écrit que Schopenhauer était en fait un névrosé. C'est-à-dire qu'il se battait contre son désir parce qu'il pensait que c'était le désir qui le faisait souffrir. Alors qu'il aurait pu comprendre que c'est en réalité le désir qui nous permet au fond de vivre cette vie qui est effectivement tragique. C'est-à-dire que tragique, je suis d'accord, je souscris à tout ce qu'a dit Stéphane Flocari, mais tragique, au fond, qu'est-ce que c'est si ce n'est le fait que la vie ne répond pas à nos désirs. Ce n'est rien d'autre. C'est l'acceptation de cela, c'est ça ? Le tragique, l'attitude tragique est celle qui accepte cela, c'est-à-dire qui ne cherche pas un sens optimiste ou pessimiste. On sait que la vie n'a pas été faite pour l'homme, que les désirs de l'homme ne peuvent pas être satisfaits, à commencer par le tout premier, à savoir rester en vie, garder les choses que nous aimons, et donc le tragique, et ça on le trouve déjà chez les tragiques grecs, consiste essentiellement dans cette idée que le bonheur n'existe pas. Il n'y a pas de bonheur. Et que la solution n'est pas le pessimisme au sens des deux pessimismes. Exactement. Qu'a évoqué Stéphane Flocard, il y a un pessimisme que Nietzsche déteste et que Rosset déteste également. Peut-être y en a-t-il un autre plus fin, plus plus rugueux, qui est un pont vers le tragique. Pour aller dans ce sens, je dirais que l'esprit tragique part forcément de ce constat pessimiste, à savoir le bonheur n'est pas de ce monde, qu'on trouve vraiment dans chaque ligne, dans chaque tragédie de Sophocle et d'Eschyle. Bien sûr, c'est ce qui change avec Socrate et Euripide. Ce que Nietzsche reproche à Socrate, qui conseille de près Euripide, c'est cette idée absolument énorme, qui est devenue d'ailleurs une sorte de lieu commun dans la philosophie occidentale, que la vertu, la morale, conduit au bonheur. Que la connaissance conduit à la vertu et que la vertu conduit au bonheur. C'est cela qui change. C'est-à-dire, c'est cette idée qui n'est pas, je cite Nietzsche un peu grosso modo, qui n'est pas grecque. C'est ça qui a changé. C'est ça qui a fait que Nietzsche a dit, là, il y a une rupture et là, il y a effectivement un pont vers les monothéismes. Platonisme d'abord, monothéisme ensuite, c'est ça ? Exactement. Ou même plutôt l'inverse. Ou socratique d'abord. Il y a le monothéisme à précéder normalement, pour ce qui est du monothéisme juif, oui. le monde grec. Mais enfin, les deux sont des instances qui essaient de donner du sens à l'existence, et c'est ça le ver dans le fruit pour Nietzsche. Voilà. Oui, je vais laisser répondre aussi justement le spécialiste de Nietzsche sur ce plateau, Stéphane Flocari. Est-ce que cela signifie que le tragique est d'abord et avant tout un rapport singulier à la souffrance? Je voudrais rappeler quand même l'étymologie du mot. Tragos, en grec, ça veut dire le bouc. Odé, le chant. Donc le tragique, c'est le chant du bouc, qui meurt, qui est sacrifié. Et donc le tragique, c'est l'acceptation de cette souffrance, de ce cri, de ce chant, en sachant que ça n'a aucun sens, que ça ne porte aucune valeur, mais que c'est, et que je n'ai pas à mettre de filtres moraux, je veux dire, entre cette souffrance et moi. C'est précisément ça que Nietzsche appelle, dans l'essai d'autocritique de 1886, ou fait 14 ans après la naissance de la tragédie, il comprend vraiment ce qu'il a voulu faire. Il dit « le problème grec, c'est le problème de la sensibilité à l'égard de la souffrance ». Qu'est-ce qu'on fait de cette souffrance? Cette souffrance qui est le fond de la vie, et que nous ne pouvons pas évacuer, que 2000 ans de christianisme ont recouvert sous une justification théologique depuis Paul, d'abord en condamnant l'existence sous la forme du péché, mais on trouve aussi dans la tragédie antique des condamnations de l'existence. Et l'une des choses importantes qui a été soulevée dans notre échange depuis tout à l'heure, c'est la question de deux choses. D'abord, effectivement, ce que Nietzsche voit dans Socrate et qui tord le cou à la tragédie telle que lui la comprend, c'est l'équation raison, vertu, bonheur. L'idée de l'optimisme théorique, pour le dire rapidement, socratico-ripidien, qui consisterait à penser que parce qu'on fait usage de sa raison, qu'on respecte l'arrêté, on va atteindre le bonheur. Le bonheur, on le sait tous ici sur ce plateau, mais tous ceux qui connaissent la philosophie le savent, c'est la plus grande escroquerie philosophique de l'histoire de la philosophie. Nous ne vivons pas le bonheur, mais je ne suis pas sûr que Nietzsche ne croit pas du tout au bonheur ou qu'il pense que le bonheur n'existe pas. Mais le goût du malheur, c'est pas tellement mieux non plus hein, pour Nietzsche. Non, mais le malheur n'est pas forcément le contraire du bonheur, et le bonheur n'est pas forcément le contraire du malheur. Comme toujours chez Nietzsche, le bonheur, c'est peut-être la capacité à endurer le malheur et à l'affirmer quand même. Ce que nous avons dit de la volonté depuis tout à l'heure est très intéressant. Il faut ajouter pour Nietzsche une chose. C'est que si chez Schopenhauer, il y a déjà l'esquisse de vouloir autrement, d'une volonté qui soit autre, Nietzsche enfonce ce clou-là, si je puis dire, et lui dit, pour lui, vouloir autrement, c'est vouloir à l'envers. Et vouloir à l'envers, c'est que, souvent, qu'est-ce qui nous rend malheureux dans notre existence? Ce qui nous rend malheureux, ce n'est pas ce que nous sommes, ni ce que nous allons faire, c'est souvent ce que nous avons fait, ou ce que nous n'avons pas fait, ou ce que nous avons mal fait. Et Nietzsche dit, voilà, la volonté, c'est ce qui doit nous permettre, la volonté avec un V majuscule, oui. C'est ce qui doit permettre de vouloir à l'envers. De vouloir à l'envers, et y compris en affirmant la toile d'araignée, le clair de lune, le malheur, l'amour brisé, la séparation, le deuil, etc. La souffrance. Et donc, c'est ça qui est tragique dans l'existence. C'est ce que on peut appeler le poikilon de l'existence, le bigarré de l'existence. Il y a toutes les couleurs dans l'existence. Alors, la joie. La joie n'est pas le bonheur. La joie n'est pas non plus une jouissance du malheur. La joie est une chose... centrale pour Clément Rosset, et c'est une dette à l'égard de Nietzsche. On va quand même essayer de voir s'il y a des différences dans ce rapport à la joie. C'est la clé du tragique. Je vous propose donc d'écouter Clément Rosset lui-même dans un livre d'abord de 1983, La force majeure. La joie est une expérience à la fois inconcevable et non illusoire. L'alternative est ici simple et décisive. Et j'ajouterai qu'elle constitue, à mes yeux, jusqu'à plus ample informé, la question la plus sérieuse dont ait jamais eu à connaître la philosophie. Ou bien la joie consiste en l'illusion éphémère d'en avoir fini avec le tragique de l'existence, auquel cas la joie n'est pas paradoxale, mais est illusoire, ou bien elle consiste en une approbation de l'existence tenue pour irrémédiablement tragique. Auquel cas la joie est paradoxale, mais n'est pas illusoire. On ne sera pas surpris que je donne pour ma part la préférence au second terme de l'alternative. Persuadé non seulement que la joie réussit à s'accommoder du tragique, mais encore et surtout qu'elle ne consiste que dans et par cet accord paradoxal avec lui. Car c'est justement le privilège de la joie, et la raison du contentement particulier qu'elle dispense, que de demeurer à la fois parfaitement conscient est parfaitement indifférent au regard des malheurs dont se compose l'existence. La joie, sentiment, si j'ose dire, respectueux du tragique, mais il se trouve que dans le texte de 1960, La philosophie tragique, donc plus de 20 ans avant celui que nous venons d'entendre de Clément Rosset, celui-ci suggérait une tension. À trop faire l'expérience du tragique, la joie pourrait-elle s'abîmer ? On l'écoute cette fois-ci donc en 1960. Ne pas oublier le tragique, être irréconciliable, est le fait d'une joie demeurée vivace, rebelle, pourrait-on dire, au tragique. D'une joie si puissante que des années de coexistence avec le tragique contradicteur n'ont pu l'émousser. Toujours aussi vive, toujours aussi jeune, elle pose toujours aussi pleinement la question tragique. Ce qui s'use en effet, avec le temps, dans le duel entre le tragique et la joie, ce n'est jamais le tragique, mais bien toujours la joie. Lorsque le tragique consent à desserrer son étreinte, ce n'est pas signe qu'il faiblit, mais au contraire, que notre résistance amollit. Le tragique ne nous libère que lorsqu'il a gagné. Anna Fulpin de l'équipe d'Avec Philosophie lisait ici Clément Rosset. Santiago Espinoza, moi je l'ai dit d'entrée de jeu, je trouve que dans le texte de 1960 de Clément Rosset, il y a une vitalité, il y a quelque chose de nerveux qui est extraordinaire. Et il y a notamment cette idée que la joie est le mode de réception du tragique, est corrélée au tragique, mais en même temps, ça c'est vraiment très intéressant et très inquiétant. À force de tragique, la joie peut s'émousser. Et donc le tragique peut abîmer cela même qui est son rapport à lui. Je n'avais pas en tête ce texte, je n'ai pas lu depuis longtemps, qui est effectivement très émouvant, parce qu'il faut imaginer un homme qui sort tout juste de l'adolescence et qui a cette intuition absolument incroyable, qu'il a toujours eu d'une joie de vivre absolument incompréhensible. En fait, toute la philosophie de Rosset, et je pense qu'il partage cela avec Nietzsche, c'est cet étonnement d'être joyeux malgré tout. Et donc, chaque livre, chaque entreprise philosophique de Rosset consiste à mettre à l'épreuve cette joie de vivre. Mmh. Et mettre à l'épreuve cette joie de vivre consiste à se demander s'il est vraiment conscient du tragique, s'il n'est pas en train de se faire une illusion, s'il n'est pas en train d'oublier quelque chose qui pourrait effectivement contredire la joie. Et il me semble que dans ce texte, dans cette fin du texte, quand il dit que ce qui s'use avec le temps, c'est la joie et non pas le tragique, je ne sais pas si c'est vraiment une tension. Il me semble que ce qu'il dit, c'est que le tragique sera toujours là, quoi qu'il arrive, que ce sentiment ne s'émoussera jamais, oui. Que le sentiment aigu, mais qu'est-ce que c'est que le tragique, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est savoir que bon, nous allons mourir, hein, et c'est ça qui est absolument tragique. Et tout ça n'a aucun sens, il faut ajouter. Tout cela n'a aucun sens, mais c'est surtout le fait de... Si la joie et le tragique sont indissociables, c'est que la vie se présente comme tragique dans la mesure où nous l'aimons. C'est-à-dire que pour Schopenhauer, la vie n'est pas tragique parce qu'il ne l'aime pas. Je vais te donner la parole à l'accusé, là, vous inquiétez pas. Bien sûr, mais et c'est même pas une accusation, il le dit un peu dans chaque ligne, et puis c'est assez revigorant comme lecture. Mais ce qui est tragique pour Nietzsche et pour Rosset, c'est que la vie est merveilleuse. Et disons que si le tragique ne s'émousse pas, c'est que ce sentiment que la vie se termine sera toujours là. L'idée de la mort est ineffaçable, dit Rosset dans le réel traité de l'idiotie. Ce qui ne parvient pas tout à fait à effacer le sentiment de la joie, l'affect de la joie. Mais s'il fallait vraiment voir qu'est-ce qui s'use des deux, le sentiment du tragique ou l'affect de la joie, ça serait effectivement la joie. Et comme nous avons beaucoup de mal avec le tragique, si notre principal instrument pour nous connecter à lui s'abîme, eh bien ça va dans le sens d'une difficulté des humains à être tragique, alors que c'est le seul véritable rapport. À être tragique, ou comme je le dis tout à l'heure, à désirer la réalité. Parce qu'au fond, être tragique, c'est ça, c'est désirer ce qui est. Alors Schopenhauer, quand même, Christophe Salin, donc il n'aimait pas la vie. Je vais essayer de me faire l'avocat du pessimiste. Et donc c'est vraiment la question de la joie derrière. Oui, est-ce que cette question de la joie, telle que nous l'avons définie maintenant, aussi bien avec Nietzsche qu'avec Rosset, en effet, ça n'a rien à voir avec les préoccupations de Schopenhauer. Oui. Alors bon, ok, Schopenhauer est pessimiste. J'ai même participé à ça en disant tout ce qu'il rencontre dans l'existence. Sont des épreuves, etc. Donc on pourrait même le comprendre, que philosophiquement il soit pessimiste, alors qu'il est déjà dans la vie. Mais Schopenhauer nous dit aussi, que quand on prend la vie dans son ensemble, c'est une tragédie. Mais quand on la prend dans son détail, on n'échappe pas à la bouffonnerie. C'est une comédie. Et je considère quelqu'un qui effectivement voit la vie à la fois comme une tragédie et dans son détail une comédie, c'est sans doute pas... Un tragique. Je ne sais pas si c'est un tragique comique, mais c'est quelqu'un qui laisse quand même ouvert cette faculté de pouvoir adhérer, ponctuellement peut-être. Peut-être que philosophiquement, il condamne la vie. La vie finalement ne vaut rien, c'est qu'un lot de souffrance, etc. Mais il s'amuse quand même dans sa philosophie, qui est une philosophie descriptive, il s'amuse quand même à montrer par quels moyens les hommes n'ont de cesse d'essayer d'échapper à ce réel qui est là. Par toutes sortes de moyens, par l'espoir, par l'illusion amoureuse, jusque dans le suicide, comment ils essaient d'échapper à quelque chose qu'ils voient bien, mais qu'ils n'arrivent pas à regarder en face, ou qu'ils n'arrivent pas à accepter comme tel. Donc au fond, la joie, par rapport à ce qui est bouffon dans la vie, ou comique, serait encore une échappatoire, du point de vue de Schopenhauer, par rapport à à l'absurde. Peut-être que c'est ça la bonne notion. D'ailleurs, il y a un livre de Rosset qui s'appelle Schopenhauer et l'absurde. Par rapport à l'absurde, la joie du tragique est encore une échappatoire condamnable pour Schopenhauer. Oui, alors Schopenhauer parle de la joie, il arrive d'en parler, et il dit de la joie qu'elle est effectivement un peu comme le dirait Clément Rosset, sans aller aussi loin ou sans aller lui donner un tel rôle. Il dit que c'est quelque chose effectivement qui pourrait passer comme incompréhensible. Mais très vite, il rattache ce sentiment ou cette réaction à l'existence à des modes d'illusion compensatrice, à des modes de détour. Après tout, la joie de vivre, c'est un fait, mais elle peut aussi s'appuyer, cette joie de vivre, sur une certaine idée de l'espoir, sur la tentative ou la tentation de donner un sens à ce qui n'en a pas vraiment. Et si on prend l'expression du désir dans l'amour, dans l'illusion amoureuse, ouais. Vous voyez, bon, Schopenhauer s'amuse bien quand même à regarder par quels moyens la nature, on va la faire parler, ça sera la prosopopée de la nature, mais comment la nature s'entend à tendre des pièges et comment chacun, cherchant une promesse de bonheur, ne fait que laisser le piège se refermer sur lui en perpétuant l'espèce et donc la souffrance. Mais s'il y a joie, on pourrait peut-être dire qu'elle est aussi du côté de Schopenhauer, au sens où il est un spectateur, et après tout, un spectateur de l'existence. Et la joie, c'est peut-être aussi, peut-être plutôt chez Rosset, c'est éprouver l'existence elle-même, et sans doute aussi dans son absence de sens. Chez Schopenhauer, ce serait le spectacle de l'existence qui pourrait nous rendre joyeux, précisément parce que ce qui arrive, c'est pas vraiment ce qui nous touche. Santiago Espinoza. Alors, je voudrais juste faire une petite précision, parce qu'il me semble que vous avez tout à fait raison de dire tout cela en ce qui concerne Schopenhauer, à un chapitre près, qui est un chapitre très mystérieux du monde comme volonté et comme représentation, qui est le chapitre 52, où il parle de musique. Parce que là, Schopenhauer se contredit complètement, dans le sens où il éprouve la joie dont parle Nietzsche, dont parle Rosset, et il éprouve en jouant de la musique, et notamment la musique de Mozart, de Rossini et de Haydn. Heureusement qu'il s'est contredit, parce que là, il est grand, c'est ce que vous dites. Hein. Oui, non, mais je veux dire, par là, j'y ai consacré mon mémoire de master il y a une quinzaine d'années, je veux dire par là qu'il éprouve tout à fait la joie de vivre, qu'il se confronte au réel, qu'il sait parfaitement de quoi il s'agit dans cette joie de vivre, mais qu'il... J'ai presque envie de dire qu'il n'a pas le courage de dire, en fait, c'est vrai. On peut éprouver une certaine joie devant le tragique. C'est vrai, il est un peu gêné de la joie qu'il éprouve musicalement. Non, je pense qu'il n'est pas gêné, mais je pense qu'il n'avait pas lu Santiago Espinoza ni Rosset. Donc ce chapitre 52 est peut-être la trouvaille de Rosset et de Santiago Espinoza. Vous voulez ajouter peut-être quelque chose, Stéphane Flocari? En tout cas, moi j'ai une question là, latente en permanence. Si la joie peut s'émousser, comme le dit le très jeune Clément Rosset à 20 ans, 21 ans, dans la philosophie tragique, c'est un vrai sujet, c'est un vrai problème. C'est-à-dire, est-ce que la joie se travaille? Est-ce qu'elle s'entretient? Comment Nietzsche appréhende cette question? Ça, c'est évidemment le cœur du problème. Vous avez mis le doigt, dès le départ, sur l'essentiel, en avançant prudemment pour définir la joie, en disant c'est un sentiment, mais quel type de sentiment, etc. Ben, je ne suis pas sûr que la joie soit ni véritablement un sentiment, ni le produit d'une décision ou d'une volonté, en réalité. Je crois que la plus grande trouvaille de Rosset, mais là, on a un grand spécialiste de Rosset. Moi, j'ai une grande admiration pour Rosset. J'ai eu la chance de le rencontrer aussi. Sa personnalité et aussi son œuvre extraordinaire. Dès le début, dès qu'il a 18 ans, 19 ans, c'est un premier couteau. Je veux dire, on comprend tout de suite que ça va pas être un sous-lieutenant. C'est quelqu'un de très fort. Mais Nietzsche a inventé Dionysos. J'ai l'impression que Rosset avait réinventé Figaro. Et on a parlé de la musique, là. Et il y a un texte extraordinaire. Moi, je l'écoutais pendant le confinement, parce que j'avais relu Le choix des mots de Rosset, qui est un texte vraiment fabuleux, où il dit, il faut vraiment être dingue pour être écrivain ou pour être auteur. Vous passez vos journées entières avec le malheur des mots, à essayer de les mettre en ordre, et à la fin, peut-être, il sort un peu de joie et un peu de bonheur. Et dedans, il évoque Figaro. Oui. Fortunatissimo per carità, fortunatissimo per verità. Et Figaro, c'est Barbier de Séville. Il éclate de joie, il explose de joie dans sa vie. Et la joie, je pense que ce n'est pas quelque chose que nous provoquons, c'est quelque chose qui nous prend, qui nous saisit, et c'est un éclatement. C'est une délivrance de nos forces. C'est un pathos, dirait Nietzsche. C'est un pathos, et mais... En quel cas, ça, c'est un peu immaîtrisable. C'est pas la volonté. Complètement, c'est pas la volonté. C'est le dionysiaque, peut-être, tout simplement. Et il y a des choses très intéressantes qui ont été dites sur le fait qu'effectivement, Schopenhauer, on peut lui accorder au moins une chose que Nietzsche a trouvée chez lui. C'est que Schopenhauer est celui qui, comme le dit Nietzsche, a compris qu'il y avait un tableau de l'existence. L'existence, c'est comme un tableau rempli de touches multiples et que les hommes essayent dans ce tableau, selon l'état dans lequel ils se trouvent, de choisir telle ou telle touche du tableau. Et ce qu'il faut, c'est affirmer la totalité du tableau. Alors, je voudrais vous donner un exemple. Parce que finalement, nous nous sommes rendus compte en préparant cette émission que c'était très difficile de donner un exemple de joie tragique. Et notamment, il y a un aspect que nous n'avons peut-être pas encore assez souligné, qui c'est le refus chez Nietzsche et chez Rosset, en tout cas, de toute posture morale. Il faut savoir accueillir la vie sans mettre de la morale à tous les étages. Alors voilà ce que je vous propose. Je ne suis pas sûre de moi, mais il faut bien lancer quelque chose. Voici un extrait du film « L'innocent » de Louis Garrel, un film de 2022, où un jeune homme et une jeune fille se retrouvent à s'interroger sur la possibilité de gagner beaucoup d'argent très vite. 3000 euros le kilo ? Chut, mais attends, mais combien ils vont prendre de kilos ? 200, 300 ? J'en sais rien. Putain, fallait y penser. Combien ils te proposent ? On s'en fout de ça. Combien ? 30 000. C'est une blague ? Chut. Ils te proposent 30 000 euros pour un petit service comme ça ? Chut, parle-moi. Attends, tu appelles tout de suite et tu dis oui ? En plus, vous faites ça en famille. Viens. 30 000 euros, bordel, t'imagines ? Mais arrête, tu sais pas de quoi tu parles ! Bien tu sais pas de quoi tu parles, c'est des trucs dangereux, c'est pas un milieu mais marrant, non, c'est pas des... Non, c'est un camion de caviar Et alors ? Tu crois que tu vas dire ça aux flics, ils vont dire quoi ? C'est un camion de caviar ? Mais non, mais c'est un vol simple, ce que je veux dire, c'est que les camions sont mais y a pas rien sécurisés. De simple, ils te font toujours croire que c'est simple, les mecs. Tu vois pas que c'est des mecs qui se mettent dans des tu galères ? Tu veux pas prendre des risques un peu dans ta mais vie mais c'est pas des risques, c'est des mecs qui se mettent dans des galères non-stop. Je connais ça depuis que j'ai 12 ans. 12 ans, j'avais des perquisitions à la maison à cause de ma mère. Mais là, c'est pas la même chose, je te dis. C'est la même chose, exactement la c'est même chose. C'est un camion de caviar, putain. Y a rien. C'est y a borderline, rien, y a pas de risque. D'accord. C'est les gens qui c'est prennent pas des risques pour eux-mêmes. Ces camions-là. Tu crois qu'ils ne s'excitent que quand il y a un risque à prendre. Je ne veux pas que ma mère ni finisse en tôle, ni qu'il y ait des perquisitions à la maison, ni qu'il y ait un mort à la fin. Que toi, tu fasses rien de ta vie, c'est une chose, mais que tu emmerdes les gens. Elle est heureuse, ta mère. Elle a trouvé un mec, putain, qui se fait chier. Pour qu'elle soit épanouie, qu'elle fasse les trucs qu'elle a envie dans la vie. Tu vas où, là-haut ? T'es un con ! Voilà ! Va voir ta mère, va la voir, on va tout lui dire, mais tu ne vois plus. C'est fini. Tu m'as dit que j'étais un con, là ? Oui, t'es un con ! Tu m'as dit que j'étais un con ? Oui, t'es un con ! Bon, bah au moins ça vous a fait sourire. Être joyeux, être sans morale, c'est savoir prendre des risques, ne pas réfléchir à toutes les conséquences tout le temps. C'est avoir ce sens de l'instant, du kairos. Ou bien mon exemple ne tient pas la route. Vous avez le droit de le dire. Mais c'était difficile de trouver un exemple. Santiago Espinoza. Alors, il y a une chose que je voudrais préciser avant de parler de cet exemple. C'est que la joie, et Stéphane Flocari a eu raison de le signaler, c'est un vrai problème. Et un vrai problème justement pour Rosset, de savoir mais d'où ça vient. Et en fait, est-ce que c'est un choix ? Est-ce que ça se travaille, comme vous le demandiez tout à l'heure ? Ou est-ce que ça vous tombe dessus ? Eh oui. Et je pense que Rosset est plutôt dans la deuxième alternative. C'est-à-dire, ça vous tombe dessus, et ça vous tombe dessus quand vous êtes un enfant. Comme un camion de caviar. Comme un camion de caviar. Et tout d'un coup, vous trouvez que cette vie est absolument merveilleuse. Et c'est incompréhensible, parce que justement, il ne l'est pas. Enfin, objectivement parlant, plus on travaille à analyser la vie, plus on se dit, mais je n'ai pas de raison d'être joyeux. Et cependant, je suis joyeux de toutes les joies, comme il le cite à un moment, il cite un poète latin, Trabea, qui dit qu'il est joyeux de toutes les joies. Et ce que je voudrais signaler, c'est que le fait que ça vous tombe dessus, le tout jeune Rosset parlait, avant de parler de joie de vivre, ou de joie tragique, il parlait d'une grâce tragique. Qui est un terme plutôt religieux qu'il a dû trouver chez Pascal. Et c'est pourquoi aussi, enfin, il faudrait quand même le signaler également, la philosophie tragique n'a rien contre le sentiment religieux de l'existence. C'est pas le sentiment religieux de l'existence qui pose problème. Pourquoi ? Parce que le sentiment de grâce, c'est un sentiment de gratitude. Le véritable esprit religieux consiste à rendre grâce du fait que nous existons. Et c'est au fond ça, la joie. Alors que ce contre quoi maille à partir, si vous voulez, la philosophie tragique, c'est effectivement la morale. Pourquoi ? Parce que la morale s'oppose en tout au sentiment religieux. La morale est un sentiment revanchard, de vengeance, qui consiste à reprocher à l'existence d'être ce qu'elle est, de ne pas nous donner ce que nous voulons, de nous donner du sucre alors que nous voulons du sel, ou le contraire, et donc à considérer que l'existence n'est pas bien, que l'existence n'est pas ce qu'elle devrait être. Autrement dit, la morale, c'est toujours une volonté de bonheur déçue. Comme si l'existence était venue se substituer, c'est ça la grande trouvaille de la philosophie de Rosset, la question du double, comme si l'existence était venue se substituer, l'existence tragique, à une autre existence qui est celle qui devait être, dans laquelle l'homme devait trouver chaussure à son pied, c'est-à-dire dans laquelle son désir devait être satisfait. Alors, pas trop de morale, savoir saisir l'instant, zéro morale, c'est vous qui l'aurez dit, savoir saisir la chance quand elle est là, sans trop réfléchir aux conséquences et aux interdits moraux habituels. Vous êtes d'accord, Stéphane Flocari, vous qui connaissez bien Nietzsche, je crois l'apprécier, et est-ce que l'exemple du camion de caviar que nous avons vu dans ce film de Louis Garrel est intéressant ? Moi, je partirais plutôt de l'exemple d'un lézard au soleil. C'est Nietzsche dans le port antique de Gênes, en 1882. Il est saisi par une joie totalement inattendue. Il sort d'années de convalescence. Il a cru qu'il allait crever plusieurs années de suite, notamment des Noëls où il raconte en 79, 80, 81 qu'il est au bord de la mort. Et là, il se retrouve... On n'a pas parlé du corps depuis tout à l'heure. C'est vrai, c'est un problème. Mais il se retrouve dans un corps... Une émission sur Schopenhauer, Nietzsche et Rosset. Oui. Il se retrouve dans un corps qui est un corps en joie. Un corps qu'il va faire bronzer dans le Porto Antico de Gênes. Il se balade dans les rues, il a l'impression que les gens sont doux, qu'ils ont envie de parler avec lui, même de lui faire un prix au marché de Gênes à chaque fois qu'il achète quelques légumes ou un petit peu de thé. Et on a parlé de la joie et de la grâce. Rosset a commencé par Pascal. Ça nous a été bien dit tout à l'heure. Et la question de la grâce, le problème dans la question de la grâce, c'est que la grâce peut donner une joie, mais une joie à genoux. On tombe par terre. Nietzsche, c'est quelqu'un pour qui la joie traverse le corps et comment dire, sur la non-condamnation de l'existence, la chose qui est importante, c'est que Nietzsche a parlé de l'innocence du devenir. Et l'innocence, c'est pas quelque chose qu'il faut retrouver. L'innocence, c'est une innocence seconde dont parle Nietzsche, c'est-à-dire une innocence conquise. Il faut, malgré le caractère tragique de l'existence, voir dans le devenir une grâce, et une grâce à laquelle nous puissions acquiescer intégralement, et il l'appelle amor fati. Tout à l'heure, on a prononcé le mot amour aussi. C'est vrai qu'il faut aimer. Il faut aimer la vie, il faut aimer cette joie. Et il y a tout ça dans Nietzsche. La situation tragique de l'homme me paraît être parfaitement vue, et peut-être mieux vue, par la jeunesse, enfin, tout au moins une certaine forme de jeunesse. Et bien, dans la mesure où la tragédie, c'est de constater un désaccord entre ce qu'on voudrait avoir, ce qu'on voudrait être, et ce qu'on a, ce qu'on est, et où on a une vision peut-être encore bien plus lucide de tout ce qu'on n'a pas, puisqu'il y a encore fort peu de temps, on croyait à toutes les valeurs, et bien... Quelles valeurs, par exemple ? Eh bien, les valeurs que sont toutes les valeurs, par exemple, d'Hamlet, auxquelles croit Hamlet, et le monde lui inflige un démenti. Eh bien, dans la mesure où on y croit plus, la déception est beaucoup plus forte, et la tragédie, la situation de tragique, est beaucoup mieux comprise. Ceci dit, il est bien entendu que je ne crois pas qu'une vision tragique soit le fait uniquement de la jeunesse. Je veux dire par là qu'il y a eu certainement des philosophes, des hommes, pour garder cette vision toute leur vie. C'est la voix de Clément Rosset lui-même que vous entendiez là, sa voix en tout cas en 1961 quand il a publié, juste quelques mois après avoir publié, La philosophie tragique. Et là il dit que la jeunesse est propice au tragique et que, pour le coup, ça peut s'émousser. Et la joie et le tragique, c'était une préoccupation qu'il avait en 1960-61. En même temps, c'est parce que la jeunesse sait que rien ne marche, qu'aucune des valeurs morales qu'on lui assène ne fonctionne, qu'elle a ce sens du tragique, semble-t-il dire. Oui, c'est très émouvant d'écouter ce Rosset très très jeune. Santiago Espinoza, oui. J'ai vu ces petits extraits de la télévision après la mort de Rosset, ce qui m'avait beaucoup ému. Moi qui étais habitué déjà à sa façon de parler, où il bafouillait, il mangeait ses mots. Et là, on le voit tout jeune. Et la question de la personne avec laquelle il fait cet entretien, me semble-t-il, est-ce que vous n'êtes pas un peu jeune pour parler de tout ça? Vous n'êtes pas un petit gamin qui ne connaît rien encore de la vie? Et sa réponse est non, au contraire. On a le sentiment du tragique quand on est jeune, parce que quand on est jeune, c'est le moment où on commence à aimer et qu'on voit que ça marche pas toujours, ou pas du tout même, et qu'on veut rester jeune, et on voit que ça va pas être le cas, et qu'on aime la vie, et on voit qu'on va devoir la quitter tôt ou tard, et on ne sait pas très bien quand, ni dans quelles conditions. Et donc le sentiment du tragique ne nécessite pas, si je puis dire, une très grande expérience de la vie. C'est-à-dire que si on éprouve cette grâce, cette espèce de joie de vivre, que le jeune Rosset éprouvait d'après ce qu'il disait dès l'âge de 5-6 ans, en écoutant le boléro de Ravel, on a quand même ce sentiment que c'est effectivement terrible que de devoir quitter quelque chose d'absolument merveilleux qu'est la vie. Et ça, on le sent quand on est jeune, et notamment en quittant l'adolescence, où on commence à affronter quand même les choses de la vie, les choses sérieuses de la vie. Est-ce que chez Schopenhauer, Christophe Salin, il y a aussi une réflexion sur l'évolution de notre rapport à la vie au fur et à mesure que nous prenons de l'âge ? Oui, assurément. Son expérience en témoignerait amplement. J'ai traduit quelques textes de ses carnets intimes qui montrent quand même une certaine évolution du rapport à l'existence. Au début, quand il a écrit son grand œuvre, il se voit un avenir assez plan-plan d'ailleurs, un avenir d'universitaire. Et le coup de chance, c'est que ça va pas marcher. Mais ensuite, ça va être le gouffre de l'oubli, en tout cas le sentiment d'être absolument écarté, jusqu'à vers la fin de sa vie, 10 ans avant la fin de sa vie, où soudain, on a de cesse de le solliciter. Et il voit ça avec pas mal de recul. Et sans doute, il voit que c'est comme une comédie de l'existence, là, pour le coup. Donc oui, effectivement, avec le temps, ça, tout s'en va, comme on dit, ou en tout cas, ça change. Mais le pessimisme, par exemple, grandit ou il diminue? Mais le pessimisme, encore une fois, chez Schopenhauer, c'est un auteur qui, d'une certaine manière, aime à dire combien la vie ne vaut pas le coup d'être vécue. Et c'est en même temps celui qui va vous dire que celui qui renoncerait à la vie, qui renoncerait à la vie au sens où il chercherait à en sortir par le suicide, n'a rien compris à ce qu'est la vie. Et d'une certaine façon, il oublie que il mettrait, comment dire, un terme un peu prématurément à ce qui doit arriver, ce qui ne change pas fondamentalement les choses. Parce que le suicidé, c'est celui qui a pris un peu d'avance, quoi, d'une certaine manière, sur l'issue tragique. Et en même temps, il ne comprend pas que ce n'est jamais la volonté elle-même, ce qui est quand même le fond des choses. Ce n'est jamais elle qui est atteinte par le suicide, ce n'est que le phénomène qu'il est, que l'individu, c'est-à-dire au fond une illusion, au regard de la volonté. Donc le suicide ne peut pas être la solution. Épicure le disait déjà lointainement, hein, quand il disait on n'est jamais trop jeune ou trop vieux pour philosopher et être heureux, et que celui qui considérait que ce n'est pas le moment, qu'il quitte la vie. Pourquoi? Que ne fait-il pas le geste qui lui permettrait de quitter la vie? Je peux dire, c'est quelqu'un qui se plaît ou qui plaisante assez volontiers sur le suicide. Montrer le qu'il moralise est... un peu, je trouve. Non, je me trompe. Est-ce que Nietzsche... On va vérifier. Ouais, on va vérifier. C'est très simple. Il suffit de demander à Nietzsche, hein. Nietzsche, hein, qui n'aime pas la morale, ou un Rossettien qui n'aime pas la morale, si il juge également le suicide comme Schopenhauer, comme étant finalement un manque de courage, parce que c'est un peu ça qu'il y a quand même dans le propos de Schopenhauer. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Stéphane Flocari? L'histoire de la philosophie avec Socrate commence par une condamnation à mort qui, pour Nietzsche, est interprétée comme un suicide. Oui, c'est parce vrai. Qu'au fond, Socrate, il peut quitter sa prison. Criton a de l'argent, il a du pouvoir. Platon n'est pas là. Dans le Criton, le seul absent des disciples de Socrate, c'est Platon. Socrate peut partir. Et Nietzsche dit très clairement, Socrate veut mourir. Et ce qui manque peut-être chez Schopenhauer, dans ce tableau pessimiste de l'existence, c'est ce que Nietzsche va appeler la décadence. C'est-à-dire que la vie, vous disiez, est-ce que ça peut s'user la joie dans la vie? Oui. Ben, ça a un nom chez Nietzsche, ça s'appelle la décadence. C'est-à-dire que c'est qu'à un moment, la vie de l'intérieur se fend, se brise, s'use, s'abîme. Et quand elle s'abîme de l'intérieur, elle cesse d'être débordante et elle se retourne contre elle-même. Et la morale, c'est ça. Donc il ne l'aime pas plus que Schopenhauer, le suicide. Le suicide, c'est pas quelque chose qui intéresse Nietzsche non plus. Il y a une pensée de la mort et il y a la question du suicide chez Nietzsche. Mais il est évident que Nietzsche, c'est plutôt un penseur de l'affirmation de la vie et pas de la sortie de la vie. Mais peut-être qu'il y a des sorties de vie qui sont affirmatives. Tout ceci est quand même très occidental. Quand on ouvre, par exemple, le livre de Pinguet sur la mort volontaire au Japon, on voit que de l'autre côté du monde, on peut considérer le suicide comme quelque chose d'affirmatif. Nous sommes un peu coincés sur la question du suicide quand même. Et on voit même aujourd'hui avec les questions de suicide assisté et les questions de loi éthique, qu'on a un problème avec la sortie de la vie. Il y a peut-être des sorties de vie qui sont des affirmations de la vie et des conservations de son sens, le sens que quelqu'un lui a donné à un moment. C'est très court, c'est terrible, je vous pose une question, il va falloir répondre très très vite. Grandeur tragique du suicide pour Rosset ou pas du tout? Pathétique, vie non embrassée. Bref aussi. Au fond, chez Schopenhauer, le problème, c'est que ce qui nous fait souffrir n'est pas notre vie à nous. Et donc, on ne peut pas supprimer cette chose qui nous fait souffrir. Donc, Schopenhauer, c'est pas vraiment qu'il moralise, c'est dit que ce qu'il veut dire, c'est que ça n'a aucun sens. Parce que ce qui fait souffrir continuera d'exister ailleurs. C'est la volonté qui vit à travers nous, mais nous ne sommes pas la volonté. Donc, nous supprimer nous-mêmes, c'est uniquement se dire, bon, j'accepte pas les conditions qui m'ont été données de vivre. Mais si ça avait été autre chose, j'aurais bien voulu. Rosset n'aurait pas non plus, enfin je suis d'accord avec ce qu'a dit Stéphane, il n'aurait jamais condamné un suicide. Je me souviens déjà il y a une quinzaine d'années ou une dernière fois qu'on l'avait interviewé à la télévision au sujet précisément du suicide assisté, enfin de l'euthanasie. Il disait que c'est une sorte de résidu du monothéisme qui empêche à certaines personnes qui souffrent atrocement de mourir dignement. Et non, il y aurait quelque chose de... Ça serait pas absolument condamnable de cesser de vivre dignement. Mother, there's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer. For only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Oh, picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Marvin Gaye, What's Going On, une chanson de 1971 qui, tout comme le chanteur, a une vraie couleur tragique, puisque c'est une chanson qui évoque une très très belle image pacifiée de la famille. En réalité, Marvin Gaye s'est interposé dans une dispute très violente entre son père et sa mère, et son père a sorti une arme que lui-même d'ailleurs avait offerte à son père, et son père l'a tué. Si c'est pas tragique ça. En tout cas, c'était la riche idée de Riad Kera pour évoquer la philosophie tragique ou le tragique au-delà de la philosophie. Merci beaucoup à tous les trois. Vous étiez extrêmement profond, je trouve, ce matin. Stéphane Flocari, Santiago Espinoza et Christophe Salin. À présent, je vous propose d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Voici le pourquoi du comment. Pourquoi faut-il être raisonnable ? Quand on parle de la raison parmi les hommes, il y a deux mots dont on a toujours privilégié l'un par rapport à l'autre, comme s'ils désignaient une grande chose et l'autre une toute petite, un peu méprisable. Il y a d'un côté le rationnel. Qu'est-ce que c'est que le rationnel ? Le rationnel, c'est la nécessité, c'est le nécessaire. Si une chose est rationnelle, c'est parce qu'elle est fondée sur un principe absolu. C'est le principe de raison de Leibniz, ou c'est le rationalisme intégral, par exemple, de Hegel, ou le logos des Grecs. Et puis, il y a ce petit mot, par exemple, en français, qu'on inculque aux enfants avec parfois une petite règle sur les doigts dans les écoles républicaines, sous la Troisième République. On leur dit « il faut que tu sois raisonnable, il faut entendre raison ». La raison devient alors une sorte de pouvoir d'inculquer quelque chose dans un domaine, et raisonnable devient en quelque sorte, non pas un absolu fondé sur une métaphysique, mais au contraire une sorte de modération inculquée à coup parfois d'arguments, mais parfois aussi à coup d'une imposition forcée. Alors pourquoi y a-t-il ce partage entre d'un côté le rationnel et d'un autre côté le raisonnable, pour le pire et peut-être aussi pour le meilleur malgré tout ? Comme le montre un très grand livre de philosophie politique, Le libéralisme politique de John Rawls, qui était un grand rationaliste, mais justement un rationaliste modéré, un rationalisme qui s'inspire de Kant en politique. Kant a critiqué la raison et il en a fait un partage assez clair finalement. Il y a d'un côté ce qui est absolument démontrable, nécessaire, il y a la science, il y a aussi dans la morale le devoir absolu, ce qui veut dire aussi que de l'autre côté, il y a des choses incertaines. Et sur les choses incertaines, la raison peut se mettre à délirer et elle peut devenir dictatoriale. Elle peut imposer des croyances métaphysiques alors qu'elle n'a aucun moyen de les justifier, de les fonder. Et au fond, dans cet espace vide de la dialectique kantienne, il y a une autre ressource pour l'esprit humain, c'est d'être raisonnable, c'est-à-dire aussi de savoir que dans certains domaines, il faut faire la part de l'incertitude, la part du doute, la part aussi du pluralisme. Et c'est pourquoi, par exemple, dans une société démocratique, on ne fonde plus le pouvoir sur une doctrine métaphysique absolue, puisqu'elle n'est pas fondée en raison. Il n'y a plus de doctrine dont on dit elle porte la vérité du monde dans son ensemble, mais on accepte évidemment, au moins faut-il l'espérer, la vérité relative des sciences et de la morale et des grands principes. Mais au-delà de cela, il faut admettre une pluralité d'opinions possible, d'opinion raisonnable. Le raisonnable, alors, c'est ce qui est justifié d'abord partiellement par des arguments, mais surtout qui admet la diversité. Et John Rawls, dans son grand livre « Libéralisme politique », définit la démocratie comme l'espace où il y a une pluralité de doctrines raisonnables, le raisonnable consistant justement à ne pas imposer sa raison aux autres, le raisonnable acceptant la tolérance. La tolérance, c'est les doctrines raisonnables. Et le contraire du raisonnable, ce n'est pas le rationnel, bien sûr. Le contraire du raisonnable, ce n'est pas non plus seulement le déraisonnable. Le contraire du raisonnable, c'est le fanatisme. Le fanatisme, c'est celui qui n'admet pas justement la pluralité des doctrines raisonnables, des explications raisonnables du monde, dans un espace qui est un espace de discussion, dans un espace où justement on ne force pas les gens à être raisonnables, car être raisonnable, c'est aussi accepter que les autres le soient. Merci Frédéric Worms. Merci à nos trois invités de ce matin. Les références de vos travaux sont sur le site d'Avec Philosophie. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique Noé Chaban. Elle a été préparée en particulier par Anna Fulpin et le reste de l'équipe, Antoine Ravon, Carla Michel, Chaïma Giboire et Axel Dubois. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.